بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الماضي كنا في أي صفة؟ القرآن. نعم القرآن. القرآن وكلام الله. يقال ومن كلام الله. كلام الله أوسع. نافذ البحر منكم لن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله ولمثله مددا. كما جاء في سورة الكهف في الآخر. Que même la mer en elle-même, en encre, ne suffirait pas pour écrire toutes les paroles d'Allah, ce matin-là. Même si on ramenait l'équivalent. سنخوض الآن فصل آخر جديدا سلا 14 هو في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة يعني رؤية la vision des croyants de leur Seigneur يوم القيامة كما علمت رؤية c'est le مصدر de رأى يرى le fait de voir. فقال المؤلف رحمه الله تعالى والمؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم ويزورونه يكلمهم يكلمونه. Que les مؤمنون verront leur Seigneur dans l'Akhira avec leur vue quand même de leurs yeux. Ils leur rendront visite, il leur parlera et ils lui parleront. Donc cette ru'ya, fi al-haqiqa, elle aura lieu deux fois. Une fois fi arasat al-qiyama, lorsque les gens seront rassemblés. Amen. Wa al-mara thaniya fi al-jannah. Fi al-jannah. Et il y a un khilaf par rapport à asarat, par rapport à qui verra Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont dit que les kuffars également le verront. Parmi mumkin al-kitab ou parmi les munafiqoun, comme a dit fi hadith Abi Huraira, al-tawil, dans le hadith de la shafa'a. Lorsqu'il sera dit, lorsque les gens seront tous rassemblés, que ceux qui adorent quelque chose, qui le suivent, les gens partiront. Et chacun suivra ce qu'il adorera. Donc il restera qui à la fin, quand tout le monde sera parti de. Derrière ses adorations, il restera de cette communauté et les munafiqoun. Et il parle de ce hadith Fayatihimullah wa yakul ana rabbukum. Donc Allah leur viendra et leur dira je suis votre Seigneur. Donc il va venir, c'est-à-dire les munafiqoun ils sont là, ils vont le voir. Mais il viendra à la resura alati ya'rifunaha. Fayakulun hadha makanuna hatta yatiyana rabbuna. Fa idha jaa rabbuna 'arafnahu. Ils disent on ne partira pas d'ici tant qu'on ne verra pas notre Seigneur. Et quand notre Seigneur viendra, nous le reconnaîtrons. Après, ils reviendront avec l'image qu'ils connaissent de lui. Et ils diront Ana Rabbukum, fayakulun anta Rabbuna. C'est-à-dire, ils le verront. Dans le hadith, il n'y a pas de fossile entre les munafiqin et les mu'minin là-dedans. Et dans le hadith d'Abi Saïd, il y a un ishara par rapport à ça. Dans la même partie un peu similaire. Hatta yabqa min man kana ya'budullah. من بير وفاجر وغبرات من أهل الكتاب qui restera quand tout le monde sera parti derrière leurs adorations il restera certains parmi les gens du livre même il sera dit aux Yahoud qu'adoriez-vous ils diront Uzayr ibn Allah quand les kazabtum ma kan lillahi walad. قال ماذا تريدون قالوا نريد ان تسقينا فقال اشربوا وتسقطون في جهنم. Donc leur sera dit qu'est-ce que vous adoriez, ils diront nous adorions Uzayr le fils d'Allah. Allah leur dira vous avez menti, Allah n'a pas de fils, qu'est-ce que vous voulez, vous attendez quoi là? Dans le sens ils disent nous voulons que tu nous abreuves, ils ont soif à ce moment-là. ils diront ishrabu, buvez, et ils tomberont dans la jahannam. Et les nasara kazalik, maza ta'budun, ou kuntum ta'budun, qalu kunna na'budu Isa ibn Allah, qala kadhabtum, vous avez menti, Allah n'a pas de fils. Il dit maza turidun, qalu nuridun tasqiyana, nous voulons que tu nous abreuves. Ils diront ishrabu, ou tasaqatun fi jahannam, et tomberont dans le feu de l'enfer, wa li'az billah. Mais le hadith, là, par contre, d'Abu Saïd, Allah, il reviendra après. Donc, il n'apparaît pas qu'ils le verront. Donc, il y a un khilaf par rapport à ça dans Arasat al-Qiyamah. Amma yu fil jannah, impossible, car ils ne rentreront pas dans le jannah. Thumma qal, qal Allah ta'ala, wujuhun yawma idhin nadhira, li rabbiha nadhira. Des visages ce jour-là, resplendissants, qui regarderont vers leur Seigneur. Tant même, qui regarderont vers leur Seigneur. Et ça, c'est Siyak al-Ayah fil Jannah. D'accord ? Fil Jannah. Et des gens du Ta'wil, ils ont dit les Rabbiha Nazira. Ils ont interprété un ru'ya comme étant thawab kadhalik. Car nazara, yanzuru, ça peut vouloir dire intazara. Ça peut vouloir dire c'est le fait d'attendre. Mais en vrai, ça revient à quoi? Par rapport au harf jar, ça revient à la langue arabe. Nazara avec le harf jar, il est, yanzur, il est, ça veut dire regarder. Enfin là, c'est venu comme ça. Il est rabbiha nazira. Donc là, il y a il est rabbihim, ou il est rabbiha nazira. Et le haïa vient quoi? Au wujuh, au visage. Donc là, avec ila, ça peut être que le sens de regarder. Comme quand Allah Azza wa Jal, Al yanzuruna illa ta'wila, yom yati ta'wiluhu al-aya. Est-ce qu'ils attendent sa concrétisation? Donc là, Al yanzuruna illa ta'wila. Al yanzuruna. إلا تأويلا. Là, il n'y a plus de harf jar. Là, ça veut dire le fait d'attendre. Et le illa qui est derrière, ce n'est pas un harf jar, c'est illa istisna. Donc, ce verset est une hujja que les gens du Jannah verront leur Seigneur. D'ailleurs, c'est la plus grande des récompenses qu'ils auront. Wa qala ta'ala, kalla innahum an rabbihim yawma idhin mahjubun. فلما حجب اولئك في حال السخط دل على ان المؤمنين يرونه في حال الرضا والا لم يكن بينهما فرق. Voilà, dans le sens où il dit que non, ils seront certes voilés de leur Seigneur ce jour-là. Il parle de qui ce moment-là? De kuffar. Et là, c'est comme le dit l'auteur, c'est au moment de la colère, ils ne verront pas leur Seigneur. Donc, où est l'intérêt de citer qu'eux ne verront pas leur Seigneur? Ce n'est pour dire que les croyants, eux, le verront. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à le dire. Et c'est une base du verset pour faire comprendre que si dans la colère, ils ne le verront pas, c'est-à-dire les koufars, donc dans l'agrément, les mouminoun, eux, le verront. Et Jaf al-Ayat, comme a dit le Cheikh Othaymin, Ruyatullah fi dunya mustahilla. Yakul lillahi ta'ala li Moussa. وقد ترى رؤية الله لن تراني. Qu'il a dit que la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala en cette dunya est impossible. Du fait que Moussa l'ait demandé et que Allah dira tu ne me verras pas. Huna, là c'est le code de Cheikh Othaymin. D'autres mashayikh, ils voient non, que cette vision elle est possible, d'accord, mais que Allah ne l'accorde pas, mais elle n'est pas impossible. Pourquoi? Car il n'a pas dit la oura, je ne suis pas visible. Il a dit l'an taron, tu ne me verras pas. Fahamt fork. Wa kadhalik, ils disent est-ce qu'il est possible que Moussa alayhi salam, qui était parmi les plus grands anbiya, les plus grands rusul, demande une chose impossible à son Seigneur? S'il demande ça, c'est qu'il sait ce qui est possible. Fahamt, que Moussa alayhi salam ne pourrait pas avoir posé cette question-là sans savoir que cela est une chose qui soit réalisable, mais que Allah ne veut pas. Et donc ça, c'est un khilaf. Mu'abba, c'est pas un khilaf qui a beaucoup de masal derrière, parce que à la base, on ne verra pas Allah de toute façon. Mais c'est juste, certains disent que c'est impossible. Non, c'est pas impossible, mais Allah ne veut pas qu'on voit. C'est pas un truc qui amène à égarer, traiter l'autre d'égarer. Tu vois, quelqu'un qui te dit, Allah, tu ne verras jamais, c'est impossible que tu le vois. D'autres diront, non, c'est possible, mais on ne le verra pas. Ça n'a pas une source d'égarement. Parce qu'à la base, de toute façon, on ne le voit pas. Donc quelqu'un dirait, je l'ai vu, là, ouais, non. On dirait là. Toi, il y en a Aïcha Korat, man hadasakan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rabbahu faqad kazab. Celui qui te dit que Mohammed a vu son Seigneur, c'est un menteur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, laylat al mi'raj, qala ra'aytu nura, j'ai vu une lumière. Il n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. D'une vision, yani basariya, mais il l'a vu d'une vision qalbiya, dans le cœur. Et fil manam kadhalik. Mais en vrai, il ne l'a pas vu. Donc si ni Moussa ne l'a vu, et ni Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui c'est qui va le voir? Nanou bab, ah ouais, qu'on ne le verra pas. Là, c'est clair, là-dessus, il n'y a pas de khilaf. Et par rapport à ces versets, l'antarani, il y en a qui sont partis dire qu'il n'est pas possible de voir Allah même fil akhira. Par rapport à l'an. Quand ils ont dit que l'an, c'est un harf nasb wa nafi, comme tu le sais, qui donne une négation dans le mustaqbel, dans le futur. Tu ne me verras pas. Ils disent que l'an yufidu et ta'bid, c'est-à-dire l'éternité, c'est-à-dire tu ne le verras jamais, ni fi dunya ou la fi l'akhira. Et on dit l'an la yufid ta'bid. Là, il y a dit dans le Coran. Limaza, l'an Allah azza wa jal yakul fi surat al-Baqara, wa lan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Parce que l'on a dit, donc si jamais vous êtes véridique, demandez la mort. Et Allah dit, ils ne la demanderont jamais. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Donc, l'an yatamannawhu abada. Jamais ils ne verront la mort. L'an. Et dans un autre verset, qala fanadou ya malik liyaqdi alayna rabbuk. Ils ont appelé Malik, ils ont dit que ton Seigneur nous exécute, nous achève. C'est-à-dire, on veut mourir dans le feu, on n'en peut plus. Donc là, ça prouve bien que si l'an avait un sens d'éternité, pourquoi là, à ce moment-là, il demanderait d'être exécuté. Donc, l'an, la tufil ta'bid. Même quand elle est Mariam, voilà nous qu'elle est mal yoma insiya. Je ne parlerai à personne aujourd'hui. Parce qu'elle a fait son siyam. Là, tout fait le tabid. Donc, ça, c'est encore parmi les choses dont se servent les mubtadi'a de la langue arabe pour égarer les gens. Donc, la ruya d'Allah subhanahu wa ta'ala fil akhira thabita bil kitab wa sunna. Elle est sûre, affirmée. D'accord ? Avec l'ijma' des salafs. ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تدامون في رؤيته متفق عليه يعني que vous verrez certes votre Seigneur comme vous voyez la lune. طيب et sans, c'est-à-dire sans bousculer, sans avoir à se pousser pour voir, ce sera une chose qui sera claire. قال وهذا تنبيه لرؤية برؤيا عفوا وهذا تشبيه لرؤيا برؤيا ولا المرء بالمرء فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير له. Qu'il a dit maintenant, ça c'est une comparaison de vision à vision et non pas de chose vue à chose vue. Parce que les gens vont dire quoi, on verra Allah, c'est-à-dire comme on voit, c'est-à-dire que l'apparence de la lune, on dit non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tu verras Allah de la même façon que tu vois la lune, c'est-à-dire clair. Avahu. Car Allah, il n'y a rien qui lui ressemble. Comme on est pris également, il y a tout le Jannah, les 70 000 dans une verset du Hadith, Suratuhum, Surat al-Qamar. Tu te rappelles, on est pris ça, que leur image sera celle de la lune. Non, ça ne veut pas dire qu'ils auront l'apparence de la lune. Une chose aussi claire dans la vision. Donc cette Ruya, elle est thabita lillahi ta'ala, que les croyants le verront. D'ailleurs, c'est la plus grande chose qu'ils verront. La meilleure chose, le plus grand agrément, comment cela arrivera dans le Jannah, parce que Allah Ta'ala qu'il qui leur donnera meilleur, ils ont dit Alam tutrilna al Jannah wa tubid wujuhana, ne nous as-tu pas fait rentrer au Jannah, n'as-tu pas blanchi nos visages, pour dire que qu'est-ce qu'il y a de mieux que cela encore. ثم يرفع الحجاب فيرون ربهم. Ensuite, il enlèvera le voile et ils verront leur Seigneur. C'est-à-dire, c'est la plus grande des récompenses, c'est le fait qu'ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. يوم يعني في الجنة. نسأل الله جعلني وإياك وإياكم منهم. Donc cette ruya, c'est une ruya qui est haqiqiya, elle est réelle. D'accord ? C'est une vraie vision que les croyants verront réellement Allah subhanahu wa ta'ala à la suratihi. Donc on a dit deux fois fi rasal del qiyama, parce que les gens seront rassemblés, et après le drôle au Jannah. Donc ceux qui ont interprété cette ruya comme étant al-thawab, d'accord ? On dira non, ce ta'ouli les facides et n'est rien maqboul. Et toutes les choses qu'ils ont essayé d'apporter pour pouvoir arriver à ce résultat-là, ça a été réfuté, scientifiquement parlant. Et Aksar Sheis, Yartamadou à la Aish, Al-Lora Al-Arabiya, la langue arabe. Comme par exemple, Nazira, ou Lentarani, Rele Zalika. Ou comme Akala Azawajel, Fil Ayat. La tudrikul abasar, wa wa yudrikul abasar. Que les vues ne l'atteignent pas, mais lui l'atteint les vues. Ils vont dire, la tudrikul abasar. Mais l'idrak, c'est un sens qui est autre que la vue. Ça peut être un sens de rattraper également. Comme a déjà fait l'ayat ma'a Moussa, nasit l'ayat ma'a Fir'aun, falama tara al-jam'an. قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنا معي ربي سيهدين. Lorsque les deux groupes se rencontreront, c'est-à-dire le groupe de Pharaon, les gens de Moussa diront, nous allons nous faire rattraper. إنا لمدركون قال, c'est-à-dire Moussa, sûrement pas, mon Seigneur est avec moi et il va me guider. Pour le dire, en fait, c'est rattraper une chose, pas seulement la voir. Et Adraka, Yustamel, pour le fait de rattraper Kazalik, ou même comprendre une chose. Donc le verset là, Estidel Bihi, Alashi, Ba'atil. Tu ne peux pas prendre ce verset comme Dalil pour dire que personne ne verra Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette dunya, Na'am. Cette dunya, Na'am. Mais dans l'akhira, ils le verront pleinement. D'accord ? D'une vraie vision et sur sa réalité. Parce que j'aurais bien voulu prendre le qadar. Le ruya c'est court, mais le qadar ça va être un peu plus long. Donc, Al-Ahsan Ayutrak, Inch'Allah. مفهوم هذا؟ طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.